je suis heureux d'accueillir ce matin, à foi et tradition des chrétiens orientaux, Madeleine Scopello, chercheure au CNRS, enseignante à l'Université Paris 4, qui est une de nos meilleures spécialistes du copte et de la gnose. Madeleine Scopello, bonjour. Bonjour. Vous venez d'organiser à l'Institut national d'histoire de l'art et à la Sorbonne un important colloque international sur le thème « L'évangile de Judas, le contexte historique et littéraire d'un nouvel apocryphe ». Et de leur côté, les éditions Flammarion publient une traduction intégrale de l'évangile de Judas avec des commentaires de trois chercheurs éminents, les professeurs Rodolphe Kasser, Marvin Meyer et Gregor Wurst. Alors, depuis sa découverte, je crois vers 1978, dans la région de Minié, en Moyenne-Égypte, jusqu'à sa récente mise en sécurité, le manuscrit de l'évangile de Judas a subi bien des déboires. En effet, ce manuscrit, qui appartient à un codex qu'on peut dater du 4e siècle de notre ère, a subi des déboires pendant une trentaine d'années. Et c'est seulement maintenant que, grâce à trois chercheurs internationalement connus, il vient d'être donné aux presses. Ce manuscrit, effectivement, est passé de main en main, d'acquéreur en acquéreur. Et c'est seulement en 2000-2001 que Frida Tchakos, un antiquaire suisse d'origine égyptienne, a confié ce manuscrit en très mauvais état, il faut le dire, à l'Université de Genève, et surtout à M. Rodolphe Kasser, éminent coptologue et papyrologue, qui, avec l'aide d'autres collaborateurs, l'a reconstitué pièce par pièce, car le manuscrit tombait effectivement en miettes. Alors la faute en revient un peu, je crois, au premier propriétaire de ce manuscrit, le premier propriétaire connu, un certain Anna, qui exigeait 3 millions de dollars. Oui, effectivement, c'était une somme invraisemblable. Ce monsieur avait proposé le manuscrit à diverses universités, mais personne n'avait pu ramasser la somme nécessaire à l'époque. Et puis, il avait renoncé pendant un long moment la vente et avait stocké ce précieux manuscrit, très ancien, il faut le dire, dans un coffre-fort, dans une banque, et le manuscrit s'était encore abîmé davantage. Donc, quand les spécialistes guidés par le professeur Kasser ont eu le manuscrit dans leurs mains, ils se sont trouvé devant un vrai désastre. Il est vrai que les manuscrits anciens d'une date si ancienne, 4e siècle, sont souvent en mauvaise condition, mais là, disons que l'antiquaire avait mis vraiment du sien pour l'abîmer encore plus. Détruire. Mais maintenant, le manuscrit, grâce à ses chercheurs, est reconstitué en bonne partie, même s'il reste encore des fragments à replacer. Il s'agit donc d'un manuscrit écrit en copte sur papyrus qui date du 4e, mais dont la version original, grec, perdu, remonte vraisemblablement au deuxième siècle de notre ère. Comment peut-on le dater plus ou moins avec précision? Ben, on peut le dater au niveau de sa version copte, grâce aux techniques de carbone 14 et aussi grâce au style d'écriture copte qui est employé par les scribes dans ce manuscrit, qui fait lui-même donc partie d'un codex qui comprend en tout 4 traités. Alors, l'original aurait été écrit avant 180, puisque Saint-Irénée le cite dans ses « Contre les hérésies ». Exactement, s'il s'agit du même texte, mais du moins Saint-Irénée connaissait un évangile de Judas qui circulait, disait-il, dans un groupe de foi gnostique appelé les Caïnites. Mais bon, il faut être un peu prudent parce que souvent ces appellations de mouvements appartenant à la mouvance de la gnose, comme les Caïnites, sont peut-être artificielles, il s'agit peut-être d'étiquettes mises par les pères de l'Église. Mais Irénée parle d'un mouvement qui honorait Caïn. Pourquoi honorait-il Caïn? Car Caïn s'était opposé finalement au Dieu biblique que les penseurs de la gnose ne tenaient pas en grande estime, en pensant en revanche que un Dieu transcendant avait créé l'homme, avait créé l'esprit de l'homme et lui avait donné une étincelle de connaissance, tandis que le Dieu biblique s'était limité à bâtir le corps humain, corps négatif, corps prison, comme le disent souvent les textes de la gnose. Donc Irénée mentionne bien cet évangile de Judas, il se peut que ce soit le même texte, un évangile très polémique, comme on va le voir avec vous. Mais je crois que Saint-Irénée lui-même n'avait pas eu le texte. Il en avait entendu parler. Il en avait entendu parler. Voilà. Tout à fait. Mais ce genre de textes, dans leur mouture grecque, circulaient. On peut penser à d'autres textes gnostiques, ceux qui ont été retrouvés à Nag Hammadi en 1945, qui constituent un lot de 53 manuscrits écrits en copte, eux aussi traductions de moutures de textes grecs remontant au deuxième ou troisième siècle. La plupart de ces textes avaient été vraisemblablement rédigés en Égypte, mais ils avaient circulé dans différentes parties de l'Empire romain. Donc, comme les maîtres itinérants circulaient, chrétiens, juifs, païens, et aussi des maîtres d'autres courants, comme les gnostiques, ainsi les textes avaient une grande circulation. Oui. Alors, que contient exactement l'évangile de Judas? L'évangile de Judas est un dialogue que Jésus a, quelques jours avant, 3 jours avant la Pâque, avec un certain nombre de disciples. Mais dans le lot de ses disciples, c'est seulement Judas qui se distingue et qui pose, si vous voulez, les bonnes questions. Tandis que les autres disciples, ils posent des questions, ils obtiennent des réponses, mais ils ne les comprennent pas. Ils n'ont pas, disons, la carrure morale et intellectuelle pour comprendre la révélation du Christ. Judas, en revanche, comprend. Et dans le texte, on dit que Judas était le seul capable de se tenir debout devant le Seigneur. Donc cette posture debout qui est un thème classique, un thème de la philosophie platonicienne, le thème du hoesto, celui qui se tient droit, est appliqué dans ce texte à Judas. Mais même s'il se tient debout, il n'osera tout de même pas regarder le Christ dans les yeux, selon toujours ce manuscrit copte. Alors, comment apparaît Jésus dans le manuscrit? Mais Jésus est un révélateur. Il révèle les mystères du royaume à Judas. Il rabroue en même temps les disciples, les autres disciples qui n'arrivent pas à percevoir la vraie connaissance et qui sont encore en train d'honorer le Dieu de la Bible dans la théorie de la gnose. Le Dieu biblique, donc créateur du corps et auteur de la création, est un Dieu finalement second, un Dieu quasi négatif. Tandis que le Dieu transcendant, lui, il n'a rien à faire avec la création, mais il a donné à l'homme une étincelle de connaissance, que l'homme peut revivifier s'il en est capable. Alors, Jésus est un être divin qui peut prendre différentes formes. Oui, en effet, et c'est encore une constante de la pensée de la gnose, et dans ce texte, on dit que le Christ est apparu aux disciples sous l'apparence d'un enfant. Donc, il pouvait prendre diverses apparences, mais Jésus est une entité tout à fait divine. L'aspect humain est nié par les gnostiques qui se rattachent à l'idée du docétisme, c'est-à-dire le corps du Christ n'est qu'apparent. Ce qui implique que la souffrance du Christ n'était qu'apparente. Le Christ, étant divin, n'a pu souffrir, n'a pu se compromettre dans un corps. Il apparaît aussi comme un spectre. Oui, c'est un Christ évanescent, c'est une entité divine, complètement spirituelle, si vous voulez. Je pense qu'on peut l'affirmer sans problème. Mais il y a quelque chose de curieux, il sourit. Oui, le Christ rit ou sourit, probablement du manque de compréhension des disciples, ou même de la fougue de Judas, qui veut à tout prix savoir et connaître les mystères du royaume. Parce que même Judas a des limites, tout en étant le disciple privilégié dans ce texte, comme dans d'autres textes, il y aura d'autres disciples privilégiés. Philippe, Thomas, Marie-Madeleine sont des figures de proue de la gnose, tandis qu'ils ont laissé... Ils ont été laissés de côté par la grande église. Mais le Christ sourit aussi de Judas. Et Judas, peut-être, n'arrivera pas non plus à pénétrer tous les secrets du royaume, car il est guidé par une étoile. Or, il y a différentes interprétations qu'on peut donner à cette étoile de Judas. Est-ce l'étoile guide, l'étoile qui va l'amener au sommet de la connaissance, ou est-ce tout simplement l'étoile, c'est-à-dire le poids de la destinée, qui le tire en arrière et qui lui empêche d'atteindre la connaissance absolue? Alors, quand on parle de connaissance, d'après la gnose, le Christ n'est pas venu sur terre pour racheter les péchés du monde par sa mort et sa résurrection, il est venu juste apporter cette connaissance. C'est ça, revivifier finalement cette étincelle divine qui est en tout homme, mais que seulement certains élus peuvent refaire vivre. Et en effet, la gnose est une doctrine d'élite, et ce qui a fortement déplu aux pères de l'Église qui se sont érigés contre les maîtres gnostiques et ont écrit des réfutations contre cette pensée, qui limitait finalement le salut à très peu de monde. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure du Dieu qu'adorent les Juifs et les chrétiens. Comme vous le disiez, pour la gnose, ce Dieu n'est qu'un usurpateur, un démiurge, même un insensé. Alors, il a créé un monde chaotique, celui dans lequel nous vivons, et il y a deux personnages qui semblent le représenter, c'est Nebro et oui. puis sa classe. Voilà, ce sont deux noms qu'on retrouve ailleurs dans la littérature de la gnose et qui indiquent ce démiurge malhabile qui a créé un monde par imitation du monde céleste. Mais évidemment, il a échoué. Mais il a réussi pour un temps à garder l'homme prisonnier de la création. Nous avons dans la gnose toute une série d'interprétations sur le soma-séma, en grec le corps-prison, où l'homme effectivement se débat et suffoque. Mais certains arriveront à briser les chaînes de la destinée et de les chaînes de cette prison pour atteindre les secrets divins. Alors bien au-dessus de ce dieu des chrétiens se situe le grand esprit invisible. Voilà, c'est un des noms qui définissent le dieu transcendant, l'agnostos, l'inconnaissable qu'on ne peut pas nommer. Les textes gnostiques utilisent souvent une théologie négative pour dire que l'homme n'est pas en mesure de nommer Dieu. Mais si vous pensez aux écrits philosophiques de la même période, il en va de même, les écrits médioplatoniciens ou néoplatoniciens. Et donc ce Dieu transcendant n'a pas créé, il se tient au-dessus de tout cela. Et l'homme qui revivifie son étincelle de lumière peut atteindre la dimension céleste et se rejoindre à ce Dieu parfait et infiniment lointain. Alors ce Dieu parfait aurait une épouse qui serait Barbello? Non, je pense pas qu'on puisse parler d'épouse. Parmi les entités que ce Dieu a fait par émanation, il y a toujours des systèmes d'émanation dans les pensées de la gnose, comme plus tard il y aura des émanations dans la pensée de la Kabbale. L'entité féminine est celle qui sert de lien finalement avec le monde inférieur. Et dans ce texte, elle se nomme Barbello, dans d'autres textes gnostiques aussi. Et c'est surtout dans des textes qu'on appelle Sétien, même s'il s'agit peut-être là encore une fois d'une étiquette. Mais ce sont des textes où la figure de Seth, troisième fils d'Ève et d'Adam, est considéré le père de la race élue. Car les gnostiques méprisent Abel, car lié au dieu biblique, dans certains cas il justifie Caïn, mais il privilégie absolument la figure de Seth. Et alors il y aurait un troisième personnage qui serait le grand ange auto-engendré. Voilà, ce sont toutes des figures, des entités spirituelles, des mondes de la gnose qui sont entourées de cours angéliques et qui vivent dans ce royaume transcendant, difficile à cerner. Des myriades d'anges. Des myriades d'anges. Là, je vois plus précisément une influence de la pensée du judaïsme mystique qui a beaucoup privilégié l'angélologie. Donc, chacun a sa cour. Le Dieu transcendant a sa cour d'anges parfaits qui l'adorent, qui sont à son service. Donc, ce sont des thèmes typiques de la spéculation juive sur les anges. Mais le Dieu inférieur aussi a des anges. Disons que c'est des démons. Mais eux aussi l'entourent, le servent, l'adorent et agissent à ses ordres. Et tout cela constitue une sorte de cosmologie. Tout à fait. Une cosmologie d'un côté transcendante, de l'autre côté d'une cosmologie concernant nos mondes qui sont organisés selon, du moins dans le texte de l'évangile de Judas, qui sont organisés selon des spéculations relatives à la durée de l'année et au jour de l'année. Si vous me permettez, je vais lire quand même un petit passage cet évangile de Judas au sujet de cette cosmologie. Les 12 éons. Expliquez-nous ce que c'est qu'un éon. Alors, éon est tout simplement la translittération du mot grec aion, qui signifie éternité. Et selon les gnostiques, c'était comme des sphères spirituelles, disons. Donc, les 12 éons, des 12 luminaires, constituent leur père, avec 6 cieux pour chaque éon, de sorte qu'il y a 72 cieux pour les 72 luminaires, et pour chacun d'eux, 5 firmaments, soit un total de 360 firmaments. On leur donna leur autorité et une grande armée d'anges, une armée sans nombre, pour la gloire et le service par dévotion, avec aussi virginaux, des esprits pour la gloire et le service par dévotion de tous les éons et les cieux et leurs firmaments. La multitude de ces immortels est appelée cosmos ou corruption. Pourquoi corruption? Alors là, je pense qu'il s'agit peut-être d'une mauvaise interprétation, parce que le passage que vous venez de lire concerne le monde supérieur. Or, ce monde supérieur n'est pas du tout une corruption. En revanche, l'auteur parlera par la suite du monde inférieur, qui lui est un monde de perdition destiné à la destruction. On peut penser que le terme Sora perdition n'est peut-être pas le bon là, qu'il s'agit peut-être d'un autre terme, mais effectivement ce passage fait problème. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que ces anges sont organisés en armée. Le mot grec est un stratia. C'est une définition typique des anges qu'on relève dans la littérature juive intertestamentaire, où les anges, effectivement, sont des anges guerriers au service de Dieu. Alors, je continue juste encore une phrase. La multitude de ces immortels est appelée cosmos ou corruption par le Père et les 72 luminaires qui sont avec l'auto-engendré et ses 72 éons en qui est apparu le premier homme avec ses puissances incorruptibles. Voilà. Donc le premier homme, une sorte d'homme céleste, apparaît et finalement se situe à la fin du monde transcendant. Il fait le lien avec le cosmos, mais le mauvais créateur, le démiurge, va essayer de l'emprisonner sous ses règles. Et ce mauvais démiurge est appelé dans le texte Nébro, comme vous aviez dit, sa classe également, mais aussi Yaldabaoth, un nom qu'on rencontre par exemple dans l'Apocryphon de Jean, qui est un texte bien connu par les écrits de Nag Hammadi, donc les écrits coptes retrouvés en 1945. Et donc ce sont des termes assez populaires dans la mythologie gnostique. D'ailleurs, les textes gnostiques sont très mythologiques. Ils associent une doctrine épurée, une doctrine philosophique à une forte mythologie très colorée. Aussi, je pense, pour séduire le public qui lisait ces textes. Donc Jésus enseigne la connaissance à Judas. Puis il lui demande de provoquer sa mort. Voilà, il lui demande de sacrifier son corps. Et là, nous rejoignons cette grande idée de l'agneau, c'est-à-dire le corps est mal, le corps est matière, le corps ne mérite pas, étant seulement une enveloppe charnelle provisoire, ne mérite pas l'éternité. Donc Judas, finalement, obéit dans ce texte à un ordre de Jésus d'éliminer son corps de façon que Jésus retourne au royaume de son Père, le Dieu parfait et inconnaissable. Donc Jésus ne fait qu'exécuter la volonté du Christ, sachant même qu'il allait être honni par les autres disciples. Et acceptant d'avance ce traitement infamant. C'est ça. Et donc ce mauvais traitement est évoqué par une vision que Judas a et qui est relatée dans le texte. Une vision où il se voit frappé à coups de pierre par les autres disciples. Et par la suite, il a une vision d'une grande maison dans les hauteurs où il y a des gens qui sont en foule, qui sont réunis en foule dans cette maison. Or, il me semble que cette maison est le temple, est une allusion au temple d'en haut, au temple céleste. Et il me semble que dans cette partie, dans cette scène, nous avons toute une série d'éléments du judaïsme mystique qui interviennent. Et d'ailleurs, les spéculations sur le temple céleste étaient bien connues par les écrits de Qumran et par les intertestamentaires. Donc Judas se voit dans cette grande maison, dans ce temple d'en haut, où il y a de grands hommes, comme les éditeurs ont traduit. Mais les grands hommes, ce sont une façon de nommer les grands anges, donc les anges qui appartiennent à cette maison qui est le temple céleste. Alors l'évangile s'arrête à la livraison du Christ au grand prêtre. Tout à fait. Et quelques lignes auparavant, on nous dit que Judas voit une nuée de lumière et, là le texte fait problème, et il y pénétra. Mais nous ne savons pas si ce « il » se réfère à Judas ou s'il se réfère, plus probablement, je pense, au Christ qui était à côté de Judas et qui pénétrerait, une fois la révélation terminée, dans ce nuage lumineux pour atteindre sa dimension divine. Donc là, le texte fait problème, parce qu'il se peut, effectivement, Judas est un disciple élu ici, il reçoit des secrets célestes, mais nous ne savons pas s'il atteint l'étape de la transfiguration. Oui, le texte ne nous dit pas de ce qu'il advient de Judas. Tout à fait. Le texte, finalement, est davantage intéressé à une forme de dialogue où Jésus transmet des secrets divins à un disciple privilégié. Et il se trouve que cette fois-ci, le disciple est Judas. Mais c'est sûrement un texte de grande polémique vis-à-vis de l'Église officielle, entre guillemets, car faire de Judas l'apôtre élu, c'était quand même très fort, même pour une communauté gnostique qui, parfois, privilégier des personnages négatifs de la Bible. Oui. Et il n'est pas du tout question de résurrection du Christ. Non, le Christ remonte finalement au royaume qui est le sien. ayant apparu dans ce monde sous les formes qu'il avait envisagées. Alors vous aviez commencé à dire que Seth, le troisième fils d'Adam et d'Ève, est une figure de poids dans l'évangile de Judas. Pourquoi ? Ben parce qu'on parle de Seth comme le père de la race élue. Or, ce thème de la race élue se retrouve dans plusieurs écrits gnostiques, notamment dans des écrits conservés dans le fond de Nag Hammadi. Et ceux qui sont issus de la race de Seth sont quasiment automatiquement sauvés, ont en eux cette parcelle de lumière qui les sauve. Mais je ne serais pas peut-être tout à fait porté à faire vraiment à étiqueter un mouvement gnostique comme sétien, parce que là on tombe peut-être un peu dans ce système d'étiquetage qui était propre au père de l'Église. Mais il est certain que dans certains textes gnostiques, la figure de Seth est une figure de première importance. Et puis vous avez commencé à nous parler des Caïnites. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que les Caïnites. Ben, les Caïnites sont... Nous n'avons aucun témoignage direct qui concerne les Caïnites, bien entendu. Les pères de l'Église nous en parlent en disant que c'est un groupe qui honore Caïn. Et donc, selon Irénée, ce groupe aurait, parmi les textes sacrés qu'il privilégiait, l'évangile de Judas. Nous avons d'autres groupes gnostiques qui sont tout à fait négatifs, par exemple des groupes qui honoraient les sodomites et d'autres encore qui s'inspiraient du serpent, donc les soi-disant ophites. Mais là aussi, ce sont des étiquettes données par les pères de l'Église. Pourquoi est-ce qu'ils honoraient par exemple le serpent? Parce que le serpent était estimé symbole de connaissance et en opposition avec le Dieu biblique, donc Dieu finalement ignorant. C'est la définition de l'ignorance, effectivement, est forte dans ces mouvements qui prônaient une connaissance par la transcendance. Oui. Et puis, ils font de personnages que la religion considère généralement comme des créatures du mal, ils en font au contraire des créatures du bien. Oui, mais ceci est assez rare, somme toute. Et ce sont des témoignages des pères de l'Église aussi, donc des témoignages sujets à caution. Dans les écritures directes, nous avons rarement, mis à part pour la figure du serpent, une vénération de Caïn. Parce qu'on parle de Sodome, de Gomorre. Voilà, bien sûr. Mais il est vrai que dans cet évangile de Judas est un disciple parfait. C'est le seul qui se tient debout, c'est le disciple privilégié du Christ. C'est celui qui comprend. Celui qui est apte à la connaissance. Alors venons-en à votre colloque. Ben, ce colloque, j'ai eu l'idée de l'organiser dès la sortie de l'apparition du texte de l'évangile de Judas, donc on était en avril 2006, et je m'étais dit que réunir à Paris des spécialistes pour la première fois aurait été intéressant. Et de fait, les collègues étrangers et français ont répondu positivement à mon invitation, et nous avons débattu sur cet évangile pendant 2 jours. Et surtout, ce qui a été très intéressant, c'était la présence des 2 éditeurs, Monsieur Kasser n'étant pas à Paris à ce moment-là, mais M. Mervyn Meyer et M. Gregor Vour sont venus et nous ont aussi montré l'évolution de la recollection d'autres fragments du papyrus qui sont en train d'être mis en place avant l'édition Princeps de ce texte. Et non seulement du texte de l'évangile de Judas, mais le texte du codex Tchakos tout entier. Donc on attend impatiemment cette édition critique d'ici peu. Oui. Et est-ce que durant ce colloque, il y a eu des précisions qui ont été apportées, des hypothèses qui ont été émises? Disons, il y a eu 2 tendances. La tendance... Judas, apôtre parfait, disciple parfait, et l'autre tendance, Judas finalement est soumis à la destinée de son étoile, donc ce n'est pas une figure si positive que ça. Donc je pense que c'est les 2 tendances qu'on a vu émerger dans ce colloque, et puis bien sûr une attention portée aussi à la terminologie technique qui est dans cet évangile et qui nous permet de corriger et d'améliorer surtout les traductions déjà existantes. Car il faut dire qu'il n'y a pas que la traduction que vous avez mentionnée, il y a d'autres traductions qui ont vu le jour très rapidement en Espagne, en Argentine et dans d'autres pays. Mais ces traductions, effectivement, ont peut-être été un peu faites à la va-vite. Il faut maintenant revenir sur le texte et apprécier le sens technique des mots. Qui concerne effectivement les grands thèmes de la gnose. Alors vous avez projeté un certain nombre de pages de ce manuscrit. Et là, on s'est rendu compte de la difficulté extrême de parfois de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il y a des paragraphes entiers qui manquent, il y a dans chaque ligne parfois un mot qui manque, le début ou la fin. Oui, le texte est criblé de ce qu'on appelle des lacunes, c'est-à-dire de trous. Alors on peut combler des trous si il ne concerne que très peu de lettres, mais quand une phrase entière ou une ligne entière manque, ou une demi-page, là le problème devient beaucoup plus important, bien sûr. Et il faut être prudent. Quand on manie des textes anciens, il faut toujours être assez modeste, je pense, et faire preuve d'une certaine prudence dans les interprétations. Alors, vous qui êtes spécialiste de la gnose, quelle place occupe l'évangile de Judas dans la gnose? Je pense qu'il s'agit d'un texte issu d'un groupe gnostique très polémique, probablement lu encore au IVe siècle en Égypte, car ces groupes gnostiques étaient aux abois, finalement. Ils étaient très minoritaires par rapport à l'Église, qui au IVe siècle s'affirmait fortement, tandis qu'au IIe siècle, la situation pouvait être différente. Non, on ne peut pas dire que tous les textes gnostiques pousse les choses aussi loin que l'évangile de Judas. Mais le texte est nourri de toute une série de motifs qui reprend, je pense. L'auteur ne fait pas preuve d'une grande originalité. Il se limite à reprendre des thèmes que d'autres auteurs gnostiques avaient suffisamment exploités. Et parfois, j'ai presque l'impression qu'il s'agit d'un aide-mémoire. On reprend les différents points de la doctrine gnostique pour que les lecteurs, parce qu'il y avait des lecteurs à ce texte, s'en souviennent. Oui. Alors, par rapport aux écrits de Nag Hammadi, qui ont été découverts quelques temps avant, est-ce qu'il y a une relation? Oui, sûrement une relation, parce que dans ce codex, donc, qui a reçu le nom de son acquéreur, Frida Tchakos, il y a 4 écrits. L'évangile de Judas, c'est le 3e écrit du codex. Les autres 2 écrits qui le précèdent sont finalement des versions de textes qu'on connaissait déjà à Nag Hammadi. Il y a un apocryphe nommé Jacques et une lettre de Pierre et Philippe. Donc, ça nous montre aussi la diffusion de ces textes en Égypte. Ce codex est retrouvé en Moyen-Égypte. Nag Hammadi est situé en Haute-Égypte, mais les textes avaient une grande circulation. Et le 4e texte du codex se nomme Allogène. Or, on a aussi un texte nommé Allogène dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, mais il ne s'agit pas du tout d'une version parallèle. Mais il est intéressant de voir qu'aussi un autre texte est mis sous le nom d'Allogène, c'est-à-dire étranger, figure aussi mythique de proue de la gnose. On est étranger au monde, donc on est fils du royaume supérieur. Et les écrits de Nag Hammadi ont été aussi maltraités que l'évangile de Judas, ou bien ils sont quand même mieux conservés? Ils sont sûrement mieux conservés. Eux aussi étaient un peu passés de main en main, mais comme ils avaient été retrouvés, on connaît le lieu de la découverte, dans une jarre, puis assez rapidement déposés au musée copte du Caire, ils ont été sûrement conservés au temps moderne d'une façon absolument meilleure. Et aujourd'hui, cet évangile de Judas se trouve également en Égypte, au Caire? Non, pas encore. Il se trouve encore en Suisse, à la fondation Mécénas, où il a été restauré. Mais il sera rendu à l'Égypte et sera entreposé au musée copte dès que les spécialistes auront terminé sa reconstitution. Eh bien, voilà l'essentiel de ce que nous pourrions dire sur l'évangile de Judas, dont je rappelle que la traduction intégrale vient d'être publiée aux éditions Flammarion. Madame Scopello, je vous remercie, comme je remercie Simone Ronger et Brigitte Mazire, qui ont réalisé cette émission, deux fois et tradition des chrétiens orientaux. Merci beaucoup.